Écouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolène Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, ben oui, je t'observe full pendant que tu admires ou pas du tout ton artiste devant toi sur scène. J'aimerais bien dire ton artiste préféré, peut-être. Est-ce que c'était le cas? Ou pas du tout, du tout, durant Pop Montréal. Oui, ce sera beaucoup d'émotions et pas... et beaucoup de découvertes et beaucoup de... Pour cette émission, parce que oui, j'ai bien envie d'être honnête, direct en partant, je ne suis pas allée voir les grosses têtes d'affiches de Pop Montréal cette année. J'ai plutôt décidé d'aller découvrir les salles que j'étais toujours pas allée dans le cadre de Critique de Crowd, et même dans ma vie personnelle de Jolène Ruet, là, bon, ben, j'étais jamais allée au Mademoiselle, j'étais jamais allée au Cajibi, et j'étais jamais allée au Club Lambi. Bah! Ça, c'est chose du passé, puisque oui, j'y suis allée pour voir entre autres Parallels, Louise Burns and Dish Shorty. Oh, que d'expérience ce fut. ne t'attends pas à des mosh pits cette semaine, habitué de CISM et habitué de Critique de Crowd. Qui sait que j'aime quand ça s'énerve, quand ça se pousse, quand ça crie, quand ça sue. Ah, ce sera tout un autre monde. Mais aussi, je suis retournée à mes bonnes vieilles habitudes et je suis aussi passée à l'ESCO et au Quai des Brumes, puisqu'il y avait les bien-aimés de CISM, Fudge, qui y était. Il y avait aussi Ariel et Easy Montagne Mystique. Pharaon, des bien beaux groupes que je vais pouvoir vous critiquer tout autant que les autres, que ouais, c'est des expériences. Hey! Alors sur ça, sur beaucoup trop d'émotions variées en quelques jours du 21 au 25 septembre Pop Montréal. Mais j'ai envie qu'on commence en musique, mais de façon tout à fait brutale et sympathique avec le groupe Purgatoire. Je ne connaissais pas du tout et c'est en allant à la bibliothèque de Montréal, chère Bibliothèque nationale et ses archives. Cette fois-ci, c'est ben, peu vieux pour une archive. C'est bien plutôt un album qui est sorti en mai dernier. Alors, Passé décomposé, c'est leur album. Et on va écouter la chanson « Des siècles à décimer ». Purgatoire sur les ondes de la marge avec la chanson Des siècles à décimer sur leur album Passé décomposé. Oh non, Purgatoire n'était pas à Pop Montréal, on l'a écouté simplement pour le bon plaisir de nos oreilles à Critique de Crowd. Eh ben oui, grosse fin de semaine et fin de semaine qui commence un mercredi soir et qui finit un dimanche. Dans mon cas, je ne suis pas allée tous les jours, tout simplement, j'avais envie de dormir. C'est des réalités, ouais, ouais. Mais sinon, ça se passait du 21 au 25 septembre. Bam! C'est une grosse année parce que c'était leur 15e édition. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être moins bien le festival, c'est... ça privilégie la musique indépendante. Alors, première édition en 2002, il y avait 200 artistes qui se produisaient aussi sur 5 jours dans une trentaine de salles dans le Mile-End et, ouais, le plateau. C'est pas mal encore ça de nos jours, sauf que le chef est beaucoup plus gros. On est rendu à pas mal plus comme 55 salles ou lieux où il se passe de l'action tout à fait Pop Montréal. Et c'est près de 400 groupes qui ont joué. 400 groupes! 400 groupes! Moi, ça me fait toujours un peu halluciner parce qu'après ça, tu sais, tu fais le décompte de qu'est-ce que tu as vu durant tes festivités. Là, tu fais comme « Ah wow, j'en ai vu 8! » C'est tellement une si faible proportion par rapport à ce qu'il me disait à faire. C'est... ouais, je pense que c'est l'indécise en moi qui se met toujours un peu trop à tilter. Puis comme de fait, là, en début de festival, je capotais un peu. Je veux être partout! Je veux être partout! Tout découvrir! Tout est nouveau! Tout est beau! Parce qu'effectivement, ça... privilégie aussi la scène locale, ça privilégie beaucoup de groupes qui méritent de se faire connaître, d'être connus d'un plus grand public et je trouve ça très beau de les inclure dans une programmation telle que Pop Montréal, mais d'où vient mon malaise de début d'émission? Des fois, tu sais, c'est comme... tu vois, ça sent pas, ça sent pas. Des fois, la crowd n'est pas au rendez-vous. Ça y est, c'est dit. Et je pense que j'ai eu un malaise supplémentaire parce que rares sont les fois où j'écoute la télévision, mais pour une fois, j'étais chez nous vendredi soir, fait j'ai pu écouter le téléjournal. Et nostalgie. Quand j'étais jeune, je l'écoutais tous les soirs. Alors, j'étais bien heureuse aussi de voir ce topo sur Pop Montréal qui annonçait ces fameux 400 groupes avec des vidéoclips, des têtes d'affiches. Il y avait même Kikuna. Ah, qui? Tout téléjournal, c'est bien cute! Mais je trouvais tellement que ça donnait une image pow, pow, magie, paillettes, waouh, waouh, waouh! Que quand j'arrivais sur place au Mademoiselle, par exemple, sur Avenue du Parc, je me disais, hey boy! Hey boy! On est loin de ce qu'on m'a vendu télévisuellement parlant. Mais c'est ça, je veux dire. Il y a 400 groupes d'une variété musicale et aussi d'une variété dans sa popularité, que ce soit très pointu comme genre, que ce soit plus grand public, mais que le public n'est pas au rendez-vous. Ça peut être un peu tous les cas, alors ce ne sera que découverte et découverte pour la plupart des spectacles que j'ai vus. Ah, je pense que je me sens déjà plus soulagée de vous l'avoir partagé, chers auditeurs de CISM, parce que comme ça, on va être comme égal. Vous allez pouvoir mieux me suivre. Et aussi, je pense que c'est quand même important de mentionner que Pop Montréal, ce n'est pas que de la musique. Il y a film pop, puce pop, fashion pop, foire de disques, kid pop. Bon, là, t'auras compris que c'est des activités pour les enfants, puis tout le reste, ben, il y a une parade de mode, de l'artisanat, des films, pop symposium. Et il y a aussi hors pop que je me suis arrêtée. Un peu par hasard, c'était dans les quartiers généraux de Pop Montréal, qui est en fait l'ancienne École des beaux-arts de Montréal. Fait, c'est bien agréable d'avoir découvert ce lieu. J'adore les lieux, j'aime ça comme... C'est fou et varié comment du vieux, ça vieillit bien ou ça vieillit mal. Là, il y avait du vieux tapis de long en large, il y en avait partout, là. Un peu plus, il y en avait sur les murs puis sur le plafond. Mais non, mais il y en avait... Il y en avait intensément, puis j'ai trouvé ça beau. Je trouvais que ça marquait encore plus le passé qui est resté du tapis avec de la poussière d'antan encore de poignée dans le fond, là. Oui, moi, j'ai apprécié l'expérience. Mais question crowd, j'avoue qu'il y en avait un peu moins. J'ai pu assister aux expositions parce qu'il y avait aussi des performances, mais non, ils étaient plus en train de les installer au moment où j'étais, fait qu'il n'y avait pas de performance, à part c'était inclus que le fait que tu poses les... Ouais, l'étoile, ça compte comme une performance. Non, pas du tout. Alors, question exposition, j'ai vu Seth Bogart, Adam Bazanta qui faisait... Ah, oh, ça, c'est intéressant pour tout bon mélomane. C'est une exposition Sectioning and Message Past Future. Des enregistrements faits à partir d'anciennes enregistreuses et des nouvelles technologies. Le mélange entre les deux, entre deux sons et deux façons d'enregistrer qu'il n'aurait pas pu se côtoyer autrement. Ouais, je trouvais que c'était bien intéressant tout ça. Il y avait aussi Chris Adam... Et non, ça c'est Chris et Adam Levitt, c'est deux frères avec leur exposition Appetite for Destruction. Et là, il y il y avait pas beaucoup de crowd. Et en même temps, je trouve que c'est bien, c'est le genre d'exposition qui vaut peut-être mieux regarder seul. Ça parlait beaucoup de sexualité. Bon, ça va, je sais pas, je suis à l'aise. Mais c'est plutôt la réflexion qui m'a eu intérieurement, parce que parmi les accessoires qui étaient faits très maison, il y avait un flashlight fait maison. Et c'est fait à partir d'un gant en caoutchouc dans un verre en plastique avec deux éponges. Si tu le sais pas ou t'as pas beaucoup fouillé sur Internet ou que t'as pas des goûts étranges, ben tu peux pas tant le savoir. C'est un peu obscur comme accessoire, mais c'est tellement absurde. Moi, à l'école, j'avais eu un cours de chronique, puis il y avait quelqu'un qui avait donné... il avait fait une chronique sur comment faire un flashlight maison. Puis depuis ce temps-là, ben je le sais. Fait que j'ai comme eu un relan scolaire en voyant ça. Parce que sur le coup, je me disais, voyons, Jolaine, pourquoi tu sais à quoi ça sert? Surtout, je suis pas un gars. Et après ça, j'ai fait... Oh! L'école, ça m'a resservi à mieux comprendre l'art contemporain. Fait que je me suis auto-perturbée. Fait que j'étais contente de le vivre tout seul, puis pas trop de crowd. Fait que c'est des... Ouais! Quand je te dis qu'il y avait de la variété d'émotions du rap pop Montréal, ben c'est exactement ça. Sinon, question émotion, et oui, j'oserais même dire question littéraire. À pop Montréal, je pense à prendre des manuels d'instruction, parce qu'il y a pas un dépliant, il y a comme deux cahiers. Il y a le premier cahier qui t'explique les artistes qui vont être là, et beaucoup, beaucoup de papier, beaucoup de jasage en lettres. Et il y a l'autre à côté qui te donne l'horaire avec les heures. Ça, c'est fort pratique et fort sympathique. Mais dans le premier cahier, et si vous êtes à Montréal, puis des fois, il en reste hein, des cahiers de promotion un peu partout dans les cafés, dans les bars, sérieux, prenez le temps de regarder parce que c'est fort sympathique comment ils ont décrit les groupes. C'est souvent en quelques mots, et ça peut être fait de façon assez claire, comme pour Émilie et Ogden, que c'est magnifique musique à la harpe. Ah, comme de fait, c'est pas mal ça, Émilie et Ogden. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus funky, comme Kendall and the Crew, qui a marqué « son sexy, aigu, ok, marécageux, ouais, inquiétant. » Ah, mais en même temps, je m'y retrouve. Enfin, je trouve ça encore plus poétique, encore plus sympathique. Mais il y en a, j'avoue que ça peut aller jusqu'à... Oui, ça pique la curiosité. Tant mieux si ça nous amène à voir ton spectacle, même si ça peut nous donner de drôles d'impressions, comme Neil Holyoake qui dit que c'est mieux que du silence. Mais coudon. Et sinon, t'as Noah Aloha qui dit... Ils disent que leur musique, c'est comme des cigarettes pour les optimistes. Et finalement, Nancy Penn, c'est un autre de mes préférés dans les descriptions. Jams Lo-Fi, chien qui porte des lunettes soleil. Et sur ce, tous les groupes que je vais vous décrire, je vais vous rapporter les mots qui se sont mis pour se décrire. Je trouve ça vraiment sympathique comme démarche. Puis même après festival, j'ai envie de refeuilleter le cahier simplement pour aller découvrir des groupes simplement de la façon qu'ils ont voulu se présenter de façon coquine ou plus sérieuse, mais ouais, quand même rigolote de façon générale. Alors, on va continuer en musique et tout en thématique pop Montréal. On va écouter Pop de Comme un homme libre. Ce sera suivi de Montréal, cette ville. Xavier Caféine. Thank you. 10 ans plus tard, elle est toujours aussi bonne. Montréal, cette ville de Xavier Caffeine. Et oui, 10 ans de cet album Gisèle. Et cette semaine, j'arrêtais pas d'écouter un de ses derniers albums, New Love. Je vous le suggère tout autant, Xavier Caffeine. Vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene sur les ondes du 89.3. Et là, je vous parle que je suis allée dans des salles où je fais pas d'habitude, mais bah! On va commencer tout de suite avec Clasco puisque j'ai commencé mes festivités de Pop Montréal. Ben oui, un beau mercredi soir dans Clasco. Puis, OK, retour éternel aux sources finalement. Là. Et il faut quand même mentionner, mercredi, c'était la soirée Jeunesse Cosmique. Et puisque j'avais écouté l'album du projet Snake Whiskey de Jeunesse Cosmique dans le cadre de Die Pas Die au Centre-Fille, je me suis dit « Allons voir la crowd ». Directement en spectacle, puisqu'il y avait Easy Montagne Mystique ensemble et d'autres groupes qui sont aussi signés sur Jeunesse Cosmique. Fait que je me suis dit, entre écouter les albums, oui, c'était bien agréable avec cette crowd tout à fait relax au Centre-Fille, mais, allons voir ce qui se passe en vrai de vrai spectacle. Et je sais pas à quelle heure je suis arrivée, tard, effectivement, comme le veut mes habitudes, mais on dirait que là, j'avais eu le temps d'oublier. Ah oui, déjà oublié que ce soit dans le cadre d'un festival ou pour une soirée, quelle qu'en soit la sorte, non, ce ne sera jamais à l'heure dans un bar. Voyons donc à quoi j'ai pensé d'arriver en me disant « Oh, il est 10h30, je vais pouvoir assister au groupe qui joue à 10h30. » Va, n'importe quoi, Jolene, c'était n'importe quoi comme réflexion. Je suis arrivée là-bas, il y avait juste un Ben qui avait passé. L'autre qui était pas présent, ça avait l'air compliqué, ça avait l'air périlleux là, comme anecdote. Fait que bref... Oui, c'était mon premier choc parce que dans les salles, les salles de spectacle, l'horaire est assez bien respecté. Une question peut-être de 15 minutes. Mais pour les bars, effectivement, non, ça commençait toujours plus tard. Et peu importe lesquels, c'était le cas. Fait que, ça m'a rappelé juste mes bonnes vieilles habitudes. Je veux dire, j'étais habituée d'arriver pas de bonne heure à l'ESCO. Pourquoi dans le cadre de Pop Montréal, faudrait que ça change? Je sais pas à quoi j'ai pensé. Reste que j'arrive et ça donne le temps, de profiter de la place, de voir du monde. Ah, du beau monde. Puis même du monde qui jouait dans le groupe Pharaon, qui sera celui que j'ai cité à la performance. Groupe de Laval qui se proclame Égypte, Voyage, Sud et Asie dans la programmation de Pop. Et c'est, comment dire, c'est le genre de rencontre un peu étrange. Ouais, puis... Tu sais, du monde que t'as vu juste une fois dans ta vie, mais tu t'en souviens parce que les internets te le rappellent tout à fait comme il faut. Bien, ça a été le cas mercredi dernier à l'ESCO parce que un des membres du groupe, il y a un an, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais en train de manger dans le métro. J'étais en train de manger, tu sais, comme les espèces de brochettes aux voix, là, tu sais, comme crevettes. Puis poulet accroché sur un morceau de canne à sucre. Bref, j'étais en train de manger ça dans le métro. J'avais pas le temps de manger avant ça, là, je veux dire. Ça donnait de même. Et reste que dans l'anecdote, je suis en train de me nourrir assise dans le métro tard le soir. Et quelqu'un dans l'autre wagon me regarde manger avec un drôle d'air. Puis j'ai trouvé ça un peu étrange de me faire épier pendant que je m'alimente. Fait que j'y avais tendu le bâton, même s'il y avait deux vitres et deux wagons qui nous séparaient. Et non, il n'a pas pu en manger, comme de fait. Mais après ça, je pense que à une pause où on est sorti à la même endroit au métro, fait qu'on s'est mis à jaser. Puis évidemment, j'ai fini par dire « Ah oui, j'en ai une critique de crowd sur les ondes de la marge. » Je venais toujours par te jaser de ça, cher inconnu. Reste que l'anecdote se finit pas mal là, tu sais. J'ai jasé avec un gars, j'y ai pointé mon poulet dans le métro. Mais un an plus tard, l'anecdote avait l'air vraiment louche. Ça a plus rapport. Ça avait comme été un peu déformé. Là, il y a les gens que je connais. Il y a lui qui dit « Ah oui, c'est toi la fille qui mangeait du poulet sec. » Mais non, il était pas sec. J'ai pas souvenir exact. Et là, oui, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, mais c'est toujours surprenant les détails qu'elle se souvient et qui servent à rien. Fait que j'ai été obligée de défendre le fait que je mangeais des crevettes panées avec un bout de canne à sucre. Et... Je pense un peu comme biaiser ma perception et de la foule et du spectacle, puisque la jasette était rendue comme un peu trop...

Hashed Out sur les ondes de CISM. Vous écoutez Critique de Crowd, qui aime vraiment beaucoup Hashed Out et il lance un nouvel album. Quand tu le lances, il n'est pas pire nouveau. Et vous avez entendu la chanson Burial Plates et ce sera l'album Cosmic Pessimism qui sortira samedi prochain à l'ESCO. C'est en spectacle. Alors, il y a Tintager et Medwave qui seront aussi en spectacle. Alors, allez vous procurer ce merveilleux LP. Hey! Comme en tout bon début d'émission de Critique de Crowd à deuxième heure, bien, on en profite pour faire plein de suggestions parce que de la crowd, ben c'est le fun en onde, mais c'est aussi le fun en vrai, de vrai, je te le jure. Et il y a surtout beaucoup de lancements cette semaine. Écoute, ça donne bien. Lancement de Lisa Leblanc et son spectacle lancement pour Why You Wanna Leave a Runaway Queen. Le tout se passe au Théâtre Corona. Vendredi, lancement de Fugitive. Un autre LP pour Xara Dion qui sera aussi en spectacle avec Gold Zebra au Ritz PDB. Samedi, comme je t'ai dit, Hashed Out. Mais sinon, il y a aussi le Festival Ska de Montréal qui va tout s'exister à Montréal. Et je me dis à chaque année, ah, je manque tout le temps les dates pour pouvoir aller au festival Ska. Mauvaise organisation, critique. Mais ouais, fait que si toi, t'es à l'avance puis bien organisé, va voir les Planètes Smashers avec les Beatdown au Café Campus. Dimanche, Angel Maker, Falsifier, Obliterate, Flame Modern Ace au Piranha Bar. Et sinon, peut-être que tu es plutôt un amateur de musique électronique. Sache qu'en fin de semaine, il n'y a pas un, mais deux pique-niques, samedi et dimanche. Et dimanche, c'est le dernier, particulièrement le dernier au Calder, puisqu'avec les rénovations du parc Jean Drapeau, ben ça, c'est comme pas mal d'affaires l'été prochain. Là, on ne sait pas trop ce qui va se passer à Montréal et que ça va être spécial. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, lundi, Benoît Paradis Trio, Vert Bouteille. Mardi, Gorguts avec Intronaut et Brain Tentacles au Théâtre Fairmont. Ou peut-être, si tu es tout autant métalleux, tu seras plutôt voir Opeth au Métropolis. Et encore lancement, ben oui, c'est Mauve avec leur album Coco à Montréal. Ça se passe au Matari Loft. Et finalement, je termine avec une nouvelle tout à fait triste qui est sortie aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est la situation bien problématique de la PASS et de la médiathèque. Et hélas, le conseil des commissaires de la CSDM ont décidé d'entériner l'avis d'éviction. Alors, ça va fermer d'ici le 1er octobre. C'est très, très désolant. Beaucoup de médias s'étaient attardés sur la situation parce que, oui, ça fait partie d'une grande collection littéraire qui se retrouve à la médiathèque. C'est un grand lieu culturel, la PASS. C'est vraiment triste ce qui arrive, vraiment, vraiment. Alors, si vous voulez fêter, eh oui, on peut toujours fêter, au moins au lieu de juste se pleurer à partir de 19h, samedi 1er octobre, Kermesse qui passe reste. Alors, tout simplement pour soutenir ou venir jouer de la musique ou lire des beaux textes, tout ça, vous pouvez le faire ce samedi à la passe. Sinon, on va continuer en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Ils viennent de rentrer! C'est des nouveaux, ils sont nouveaux, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux comme Antoine Corriveau avec sa nouvelle chanson Rendez-vous qui va se retrouver sur son album. Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter. Ce sera suivi du Havre. Le chemin va être long sur leur nouvel album Trajectoire. Je ne serai pas au rendez-vous. L'endroit ne m'intéresse pas. Et une part de nous restera debout et ne bougera pas. Et une part de moi en ligne longue et stressée. Je suis fatigué, tellement fatigué. C'est mon corps complet, c'est mon corps complet qui va s'arrêter. Assommé par le bruit des bêtes qui beuglent, des faux exposés sous les néons qui m'aveuglent. Mais c'est que c'est une autre vie qui commence ici. Mais dites-moi, c'est cimetière que vous fuyez, raconte-moi toutes ces bombes qui ont sauté. Je me rends loin, je me rends loin. message aussi bien passé au travers ensemble, ensemble. Mais je avec la chanson Le chemin va être long. J'ai bien hâte d'écouter l'album au complet de Trajectoire. Et je suis allée au Studio B bien récemment et je les ai vus en spectacle. Alors, je vais pouvoir aussi vous rapporter une critique de Crowd. Effectivement, trop de spectacles, trop de contenu. Sinon, vous avez aussi entendu Antoine Corriveau et sa chanson Rendez-vous, un autre album que j'ai bien hâte d'écouter dans son entièreté. Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter. Pour tout plein d'autres nouveautés et tout plein de palmarès aussi excellent dans toutes ses positions. Ben oui, il y en a 30, mais elles sont toutes bonnes. C'est ISM893.ca. Et c'est facile à trouver. Sinon, il y a l'application. Sinon, il y a ta télé, ça a l'air. Il y a bien des façons d'écouter CISM. Et en ce moment, si tu écoutes de ta belle radio, viens s'intoniser sur la FM. Vous écoutez Critique de Crowd avec Jolaine Ruet, qui n'avait pas tout à fait terminé avec sa critique avec Pharaon. Parce que là, je t'ai dit qu'il était bien ben sympathique. Bon, on va écouter un petit extrait pour le fun. Là, c'est le moment que tu réalises aussi que c'est pas mal d'improvisation. Je vais vous avancer ça. Alors, c'est de longues pièces, là. Je vous ai fait un extrait, mais la plupart durent 11 minutes. Et là, on a entendu enregistrer le 26 juin en 2015 à Laval, Maison brûlée. Et évidemment, j'ai choisi le titre le plus coquin. C'est Dans le cul Laval. Et c'est plein d'expérimentation musicale et aussi visuelle, puisqu'il y a aussi de la projection. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant pour la crowd, c'est justement la projection. L'installation était faite devant la crowd. Fait que tu avais les dessous de la projection et la projection. Fait que je trouvais que c'était ça enrichissant en plus l'expérience en soi, même si j'ose croire que c'était pas si volontaire comme installation. Et l'ESCO, c'est petit, c'est chaleureux, c'est beau l'ambiance, mais c'est petit. Fait surtout pour Easy Montagne Mystique Ensemble, qui sont une douzaine sur scène et qui se sont proclamés dans le manuel de Pop Montréal, c'est Pop Méditation, Jeunesse Cosmique, Lévitation, Cosmos, ECM du futur. Mais on se trouve aussi dans la même ambiance qu'avec Pharaon, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde où, moins que Pharaon, mais Pharaon sont peu nombreux et l'autre sont beaucoup, beaucoup. Mais oui, ça prend beaucoup de place, disons, musicalement, toute leur installation. L'ESCO est petite, ça déborde de la scène qui est déjà toute petite. Alors, je trouve que ça faisait une ambiance bien, je sais pas, complémentaire à la musique, à la projection. Me semble que je me sentais encore plus, c'est pas de les épier parce que tu sais, t'es juste sur le bord, tu sais, à côté du band, mais tellement que ça dépasse de partout. Peu importe tu serais où à l'ESCO, je pense que tu te sentirais juste à côté du groupe. C'est, je parle souvent de proximité à critique d'un crowd, mais là, ça l'était assez littéralement. Et ouais, je trouvais que humainement, ça rajoutait vraiment un plus à l'expérience, même si je sais, j'ai pas arrêté de parler. Et là, trop d'anecdotes, trop de connaissances, trop de monde qu'on retrouve. C'est ça la crowd aussi, des fois. Fait que Easy Montagne Mystique, je vous en ai passé dernièrement, mais écoute, on va réécouter parce que c'est excellent. Vive sa vie! Un jour sec, un rosé. C'est pas très gai pour moi. Non, c'est triste, mais je ne suis pas responsable. Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait. lèves la main, je suis responsable. Tu tournes la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable, mais je le suis. Non, c'est ce que je disais, moi, c'est ma destinée. Après tout, tout est bon. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Si, après tout, les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie. À qui j'ai dit bonjour en entrant. Je voudrais faire ta connaissance. Ça t'ennuie ? Bon, je veux bien. Qu'est-ce que c'est, une femme du monde ou une bouffiasse ? C'est une bouffiasse, elle se mettra en colère. Si elle sourit, c'est une femme du monde. Yaoul. Merci. Tabac boulevard Saint-Germain, avec un type qui vous montre une photo. Ah oui, c'est vrai. Ah. Alors pourquoi vous dites non ? N'importe quoi. Vous êtes ridicule. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous avez l'air idiote. Idiote et mal coiffé. Attendez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Montagne mystique avec la chanson Vivre sa vie. Vous comprendrez bien Crowd, Kalisco, on était tout en contemplation et en introspection avec ce genre de musique-là. Et oui, durant Pop Montréal, j'étais à pas savoir où aller. Premier soir, je vous dis, c'était atroce parce qu'il y avait un show, OK? Il y avait un show à l'Esco. Les deux, ils étaient pas à l'heure. Fait, j'étais tout le temps en train comme de butiner, comme « Oh, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Oh, je vais revenir. Oh, oh! » Ouais, une petite abeille, puis là, d'un bord, puis de l'autre, finalement, je voyais pas beaucoup de spectacles. Après ça, je me suis dit « Jolaine, tu vas t'asseoir puis tu vas regarder le spectacle. Sinon, ça se passera jamais. » Ouais, il faut dire aussi que les entr'actes pouvaient être plus ou moins longs. Fait question de gager son temps, c'est un peu compliqué. Et c'est pour cette raison-là que je vais avoir écouté qu'une seule chanson d'Ariel au Quai des Brumes. Je m'attendais pas du tout à ce qui se passait dans ma soirée, puisque je savais que les tout derniers, c'était Fudge, et j'avais bien envie de les voir. Ariel qui est, oui, dans la programmation, dans les heures, puis tout, puis ça se passe, mais elle a pas de belle description. Décevant. Je ne sais pas si c'est dû au retard, peut-être qu'il y avait un deadline, puis ils l'ont pas suivi. Ce serait la même chose pour Fudge, ou tout simplement... J'aurais peut-être pas le bon terme, mais souvent, il y a des spectacles dans des festivals tels que Pop, où il y a 400 groupes qui jouent en très peu de temps. Il y a, oui, des shows qui sont bookés par le festival, mais aussi des shows qui sont un peu en collaboration. Je sais pas si c'est le bon terme, collaboration. Mais bref, hein? On est là à Montréal en même temps. Pourquoi pas être sous la bannière de Pop Montréal? Allons-y la nuit. Fait que je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que c'est un peu comme ça. Tu sais, ils sont là, mais wow, pas tout à fait. Je sais un petit peu. Et sinon, en arrivant à Ariel, ouais, c'est peut-être un peu pour ça que je suis pas restée longtemps. Pas beaucoup de crowd. Au fond du bar, oui, souvent les habitués du Quai des Brumes. Puis là, il y avait une fille qui se faisait faire une tresse. Ariel stresser les cheveux, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, il y a pas beaucoup de crowd. Là, quand même, je me mets en avant. Je dis, fais ton devoir de crowd, Jolene, va en avant. Tout le monde a disparu. Tout le monde est parti en même temps. Je dis, je suis gênée. Reste juste toi debout, moi debout et Vincent Pique. Mais là, lui, il est resté. Lui, c'est un vrai. Lui, il était attentif du début à la fin. Puis peu importe qu'il y avait du monde à côté ou pas à côté de lui, il allait être debout puis il allait regarder le spectacle. Ah, je l'admirais parce qu'être tout seul, quand il y a beaucoup trop d'espace autour de toi et que tout le monde regarde le spectacle, mais tout le monde te regarde à regarder le spectacle, j'éprouve un certain inconfort. C'est sûr que ça dépend aussi de ton amour pour le groupe. Et puisque j'étais là... disons plus pour Fudge, ouais, ça a un petit peu influencé ma démarche crowdienne, fait que je suis partie, je suis retournée à l'ESCO. Ok, ouais, c'est dit. Mais oui, j'ai dit que j'arrêtais pas de butiner, de toute façon, on l'assume. Et finalement, ça a été quand même long, fait que c'est vers minuit que Fudge va jouer. Et non, eux non plus n'ont pas de belles descriptions dans le beau manuel de Pop Montréal, mais on peut quand même confirmer qu'on a affaire à du bon rock. Et ils nous remercient aussi. Merci d'être restés. Hein? De rien, on a été patients. Et sinon, ça a été quand même assez particulier dans la foule. Déjà, j'étais heureuse. Parce que, première chanson, il y a eu une arrivée assez massive de crowd. Vraiment. Puis il était enthousiaste. J'avais juste le mot, c'est gaiement. Oui, il y avait de la gaieté dans l'air. C'était léger. C'était léger, mais en même temps, ça headbangait, tu sais, comme de la tête jusqu'aux hanches. C'est pas comme un mouvement métalleux où tu fais aller juste tes cheveux. Là. Comme vraiment un mouvement de corps. Il y avait un certain emballement. Pas calme, mais pas non plus la folie. Vraiment juste quelque chose de... Oui, de gay. C'est beau. Oui, j'aimais bien la crowd. Et en même temps, il y avait un spécimen dans la foule qui ne laissait personne indifférent. Et quand j'ai un spécimen, parce que visiblement, il ne faisait pas partie de la foule, il ne connaissait pas les gens. Tu sais, tu le vois, là, on a affaire à des inconnus, mais l'interaction fait aussi en sorte que tu fais comme « Ah, toi, tu viens pas souvent ici, hein? » Il avait visiblement l'air d'un touriste. Il avait visiblement l'air chaud, tu vois. J'ai l'air de l'imiter. Je suis plus capable de parler. Je déparle en disant visiblement. Il était so raide. Ah ouais, vraiment, ça n'a aucun sens. Même le Ben a intervenu. Ils en ont fait une blague. Ils ont dit, ah oui, merci à notre danseur de breakdance payé pour ce soir seulement. Parce que le gars avait des danses de... pas d'allure. Il était de dos au Ben, tu sais, il était comme pas de dos à la... Ben oui, il était dos aussi à la crowd. À la crowd, puis au Ben, je pense qu'il voulait attirer l'attention des membres d'Ariel parce qu'il y avait des danses sexy, mais sexy joke niaiseux, genre se taper les fesses. Puis moi, j'étais juste à côté d'eux autres. On sentait comme l'espèce de rire de... Voyons donc, ça nous concerne-tu, nous autres? C'est quoi qui se passe? C'est vrai, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu penses qu'ils se connaissent ou que c'est comme friendly. Après ça, tu te dis, voyons, il est en train de se taper les fesses toute la toune. Ça n'a pas de sens. Tu sais, voyons donc, c'est bien long, c'est comme la junk s'éternise. Et là, il va être du foufou un peu partout. Puis ce que j'ai trouvé particulier, oui, il était de bonne humeur, tu sais, il a fait mal à personne, puis c'était un peu particulier. On dirait qu'il voulait que les gens interagissent, que les gens s'animent un peu plus, mais en même temps, il allait pas directement vers eux. Comme s'il s'adressait au monde, mais pas en même temps non plus. Comme s'il les laissait faire leur truc, mais... Oui, une certaine forme d'encouragement de crowd, mais pas exactement. Oui, il était là pour être sur le party. Ce serait plus ça. Premièrement pour lui, puis deuxièmement parce qu'il y a de la foule, il va le considérer dans sa démarche. Puis ensuite de ça, ben ça va être ça. Il a été, assez incroyable du début à la fin, mais pas de breakdance, mais des mouvements... coquin, ridicule, des danses pas croyables. Ah, ça, en effet. Avec une chaise aussi, là, il accessoirisait aussi beaucoup sa danse. C'est, ouais, pourquoi pas? Ah, c'est vrai. Ça, c'est des moments magiques de crowd. Tu peux pas inventer. Sinon, quand il s'est calmé, j'ai un peu plus observé les autres gens dans la foule. Et il y avait un gars qui avait l'air de... Ah, ouais. Il avait l'air motivé pour que ça trash un peu vers le milieu, fin de la prestation. Mais au lieu de partir un pit, ben c'est plutôt comme ses amis qui le poussent. D'accord, ça aurait été sa récompense à pas réussir à partir le pit. Un peu triste, mais en même temps, c'était pas tant l'ambiance. Il était pas au rendez-vous du pit. Non, c'était bien correct aussi de même. Mais question emballement, des gens qui sautillent, des gens qui connaissent ses paroles. Vraiment, j'ai été très, très heureuse de cette foule et surprise par leur danseur de breakdance, Fudge. Alors, on va écouter Ariel et Fudge sur les ondes de CISM avec les chansons « Entre In Extremis » et « Trop tard » et la chanson « Appelle-moi chérie ». We'll be right back. d'entendre, man, est-ce que la côte est tough à monter? Ouais, ouais, j'ai pas passé. Appelle-moi chérie, c'est juste voir si vous étiez concentré, chers auditeurs de CISM. Et vous avez aussi entendu, effectivement, entre In Extremis et Trop tard, d'Ariel. Vous écoutez toujours Critique de Crowd, Jolene, spécial Pop Montréal, tout ça en même temps. Et... oh mon Dieu, je ne savais pas que cette salle existait, je ne sais pas si je vais y retourner. Ça s'appelle le Mademoiselle, c'est sur Avenue du Parc. Si tu connais bien ton Avenue du Parc, ben écoute, il y a un bar de danseuse, ben il y en a peut-être une couple, mais bref, il y en a une qui est proche du Théâtre Fairmont, comme en diagonale très loin, là, une grosse diagonale. Il y a un bar de danseuse, puis une petite porte juste à côté, ben c'est le Mademoiselle. Avoue que c'est facile de se mélanger, hein? Et rentrant au Mademoiselle, c'est un deuxième étage, fait que tu montes un petit escalier tout à fait commercial et tu rentres dans un très petit bar et en faisant de merveilleuses recherches, j'ai compris que ouais, ça va l'air d'être un lieu, un rendez-vous. Peut-être, potentiellement de burlesque. Mais à vrai dire, c'est parce que c'était pas tant affiché sur place. J'ai juste vu sur le site, fait que je sais pas à quel point c'est encore d'actualité qu'il y a eu des brunchs, dîners, spectacles, incluant du burlesque parce qu'il parlait de Dame Joséphine qui est une experte dans le domaine. Alors, si tu veux en voir des performances, si tu vas bruncher au Mademoiselle, là, écris sur le Facebook de Critique de Crowd. Je suis très, très, très intéressée. Ça, sur ça, moi, je suis plutôt allée le soir et c'était plutôt de la musique sur scène. Ouais, quand même, faut admettre, c'est une petite place, mais une bonne scène, pas très haute, mais quand même profonde, des rideaux. Moi, ouais, je trouvais que l'installation, claire, précise, conventionnelle dans un sens, mais en même temps, c'est toujours agréable d'accorder cet espace-là au lieu d'inventer un lieu un peu quelconque en disant « Oui, oui, on va présenter des spectacles de musique, nous autres ». Alors, faut bien leur accorder de belles choses, parce que moi, la première affaire qui m'a marquée en rentrant au Mademoiselle, c'est plutôt le nombre de grosses affiches, de gros logos illuminés, de Fireball. Je sais pas si tu reçois une commandite ou c'est juste comme des accessoires qu'ils te donnent quand t'en achètes beaucoup de l'alcool d'une certaine marque. Mais là, il y en avait partout. Il y avait aussi une espèce d'encavure dans le mur. Tout était noir. C'est assez noir comme bar. Même le plafond en stucco est peinturé noir. Mais l'encavure est rouge. Puis il y avait les Skullheads, dont une seule était pleine. Tu sais, tu penses que c'est des accessoires avec les petits shots en forme de tête de mort aussi. Mais non, il y en a une de pleine. Même j'ai vu le serveur le prendre, la ramener. J'étais comme, c'est beau quand même. Ils ont beaucoup confiance à leur clientèle qui va pas comme se servir. C'était facile. Ah, un bar qui croit en l'honnêteté des gens qui boivent de l'alcool, je trouve ça quand même beau. Et... Ouais, c'est assez simple comme lieu. C'est un peu étrange comment des endroits peuvent être un peu, permettez-moi l'expression, fuckable, et qu'ils soient aussi charmants, sympathiques, conviviales, familiales, pis que d'autres fois, ben, t'en sens juste pas l'âme, tu sais. Un bar parmi... Oui, parmi tant d'autres. C'est très stère à dire, j'ai la peine à le dire, mais oui, c'est pas venu me chercher pantoute. La seule chose qui m'a marqué, c'est... tu sais, des fois, dans les restaurants, dans les bars, ils vont installer des miroirs, question de donner une impression qu'il y a plus de gens ou que le lieu est plus grand. Mais là, le seul miroir qu'il y avait dans le bar était installé sur le poteau en plein milieu du bar, mais comme sur le côté. Ça donnait aucune perspective de profondeur ni rien. Et en même temps, tu me disais comme personne va aller comme s'arranger les cheveux en plein milieu du bord non plus. Tu sais, c'est vraiment un miroir comme j'ai dans mon garde-robe. Mais ça m'a fait un drôle d'effet, ouais, de voir des accessoires de maison placés en plein milieu du bord. Et voilà. Et sinon, je suis arrivée pour la performance de Parallels, qui est un groupe de Toronto qui compte quand même 14 000 fans sur Facebook. Quand j'ai vu le chiffre, là, j'ai tilté. Sérieusement, j'ai capoté. On va écouter tout de suite un extrait parce que je le sais, Crowd, t'es vraiment excité, là, tu veux tout de suite en entendre. Ah, j'essayais de l'avancer pour vous trouver le punch, puis je vous le coupe. C'est de même la directe à CISM. Et ben oui, on a affaire à de l'électropop, un trio, keyboard, drum, une belle chanteuse. Non, ça ne fait peut-être pas partie de mes préférences musicales. Ben oui, il y a des groupes comme ça que j'aime, mais là, ça a été difficile. Ah! Ah, ça a été doux. Ah, ça a été douloureux. Ah, mon Dieu, Seigneur. Hey boy, hey boy. OK, c'est sorti. Là, je me sens déjà mieux. Parce que sincèrement, il s'est rien passé. Il y avait des problèmes techniques. Ah, c'est là que j'ai réalisé que oui, il y avait beaucoup de place accordée à la scène, mais pas tant pour la console et la technique, puisque la console de son était juste à côté de la sortie, juste à côté de la scène. Fait que le gars était juste à côté du spectacle, puis lui, il taponne tout ça. Ils sont comme, hey, notre son, il marche pas, puis lui, puis t'as dit ça en direct. J'ai trouvé ça. Ouais, bonne franquette. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit sympathique, bonne franquette. Là, j'étais juste comme, oh wow, oh wow. Merveilleux, merveilleux. Moi, 8 personnes debout, 8 personnes assises. Je mens, on était 7, la 8e, c'était moi. Puis, ouais, il y avait pas d'ambiance, il y avait personne sur la piste de danse, personne. Les personnes qui étaient debout étaient le plus loin possible. Il n'y avait pas de folie en l'air. Peut-être accusons-nous que les gens mangeaient beaucoup. Oui, l'autre truc m'a marqué après les commandites de boissons là, dans le bar, c'est le fait qu'il y avait énormément de consommation de nourriture. Tu sais, dans un petit panier en osier avec l'espèce de voyons, de papier ciré, là, blanc, rouge, carotté, nappe de pique-nique, là, avec plein de nourriture bien grasse. Ouais, mais il me semble que, tu sais, super spectacle, oui, je comprends le concept. Oui, manger dans une salle de spectacle, là, ça m'est pas complètement inconnu. Je sais pas pourquoi ça m'a autant marqué. Je pense que c'était à quel point c'était présent ou très important, plus que la performance même. Se nourrir, c'était une priorité. Et le truc qui m'a fait un peu... je sais pas à quel point ça a rapport avec la crowd, mais c'était un choix qui m'a fait un effet. Et en même temps, dans la crowd aussi, puisqu'il n'en mangeait pas. Il s'agit... de la salade de macaroni. La salade de macaroni, zéro populaire. Mais l'affaire, c'est que, tu vois les beaux petits paniers d'osier, il avait pris comme, je sais pas moi, des nachos. Ça n'a pas rapport de mettre une salade de macaroni juste à côté. Fait qu'elle était tout le temps boudée. Fait que tout le monde dans la crowd qui commandait comme de quoi manger, il y a toujours comme un spot. Il y a toujours un spot de salade de macaroni par rapport. Puis tout le monde le boudait. c'est un peu absurde, ce gaspillage alimentaire-là. Je me disais, le cuisinier... aux mademoiselles, il y a comme un souper de macaroni, puis lui, il a dit, là, comme, OK, tout le monde, on s'en fout de la recette, on rajoute toujours une salade de macaroni à côté. Là, j'imagine des sous-chefs qui font, là, mais comment de boss? Personne veut le manger, ça n'a pas rapport avec des nachos. Pas grave, faut les finir, faut les sortir, les macaronis. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma tête durant Parallels, vu qu'il se passait pas grand-chose. Oui, il se passe beaucoup de choses dans ma tête quand il se passe rien dans la crowd. Ouais, peu de mouvement, peut-être une personne qui a essayé des tentatives de petits bouffes drôles, mais pas tant non plus. Hey, sur les 14 000 fans de Parallels, je pense qu'ils sont tous à Toronto parce qu'à Montréal, personne les connaissait, puis ça faisait un petit peu pitié. Sinon, je peux quand même mentionner move quand même assez incroyable du bénévole à l'entrée. C'était une danse, mais il était assis puisqu'il bénévolait et c'était des mouvements de bras que j'appellerais aigle bosé parce que il checkait des bras comme un oiseau qui s'envole mais qui aurait consommé quelque chose. Fait que imaginez-le vous dans votre tête, puis c'est exactement le mouvement que le bénévole a fait. Mais non, il était tout à fait à jeun, je pense juste qu'il avait une bonne dextérité dans ses doigts pour faire des mouvements incroyables. Alors sur ce, ben on va continuer en musique. Mademoiselle, ben on te rend honneur avec des chansons. Mademoiselle Yéyé, les cinq, ce sera suivi de Chapeau Melon, Mademoiselle Éphémère. Mademoiselle Yéyé, elle est si jolie. que rien, c'est une autre endormie. C'est le quotidien, l'absence d'économie. Ça lui appartient, c'est pas toujours joli. Si ça lui convient, l'étroitesse d'esprit. Elle n'a rien compris, mais voilà qu'aujourd'hui, elle a remarqué tout ce qu'elle fait souffrir. Ce n'est qu'un souvenir, ce n'est qu'un rappel. Sois la plus sincère, mademoiselle éphémère. Chapeau melon avec la chanson Mademoiselle éphémère qui se retrouve sur l'album Bonjour, bonsoir. Et vous avez aussi entendu Les Saints, la chanson Mademoiselle Yéyé qui se retrouve sur le premier volume de Pépites et Grenades. Et vous écoutez toujours Critique de Croix dans ce spécial Pop Montréal. Et devant des groupes qui, oui, s'arrochent, on va se le dire, tu sais, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand la technique, des fois, n'est pas toujours au rendez-vous, je trouve ça toujours un peu effroyable. T'sais, en même temps, je vous fais état des lieux, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis il n'y avait pas beaucoup de participation, puis oui, tu sais, des fois, ça peut être un peu difficile, même d'y assister, tu fais comme, c'est pas chaud à soir, hey boy. Je suis quand même toujours, triste de vous rapporter les faits comme ils sont, parce que ce que j'espère toujours pour n'importe quel groupe, c'est qu'ils puissent jouer dans un contexte favorable pour pouvoir faire vivre sa musique, faire vivre son art, quelle qu'en soit la forme, quels que soient mes goûts personnels. Ça se peut que toi, ce que tu fais, ça te prenne toutes tes tripes. Moi, ça se peut que ça vienne pas me chercher. Ça, c'est bien la vie. Mais je trouve ça quand même... c'est toujours beau de se dire, c'est beau de donner... oui, il y a beaucoup de beau dans ma phrase. C'est beau de donner cette plateforme-là à plein de groupes, mais c'est la dure réalité. À 400 bennes, non, ils sont pas tous populaires égales. Non, ils ont pas tous... peut-être pas le contexte favorable pour eux autres, tu sais, ça fait combien de fois que t'es venu à Montréal, ça fait combien de fois que tu fais des shows à Montréal, c'est quoi la type de crowd que t'attires, vont-tu être au bon lieu, la salle est-tu trop grosse pour toi, parce que la prochaine critique va être au Club Lambi. Je n'y étais toujours pas été. Et disons que pour cette fois-ci, oui, c'était calme, mais non, j'ai pas senti comme de... Hey boy, tu sais, c'était pas malaisant, ça. Juste, c'était un show hyper tranquille. Peut-être pas non plus mon genre musicalement, mais la salle était grande. Fait que pour 26 personnes, ouais, ça s'est senti. Il y a aussi le contexte que je vais voir les spectacles et, dépendamment de l'heure, mais dépendamment de la programmation, mais il y a tellement de groupes. C'est tellement des soirées longues. Il n'y a pas juste deux ou trois bands, des fois, dans la soirée au Théâtre Fairmont ou dans d'autres salles. Oui, effectivement, parce qu'on a vraiment une notion plus de spectacle, mais pas... Pas pour toutes les salles. Ce serait un peu exagéré. Alors, au Club Lambi, j'arrive là-bas pour découvrir des Shorty et on va écouter un court extrait. Trop, cette sensation si étrange, comment choisir mes mots? Je n'ai pas les mêmes intérêts que tous. Il est en français, il mélange les genres et il fait oui, dans le rap, il va avoir quelques hochements, quelques approbations, mais je vous dirais que le plus gros mouvement de foule est celle du hochement de tête d'un gars, mais pas n'importe comment, en tenant sa paille. Oui, il était comme mais il faisait ça en beatant avec sa paille dans son drink. C'était du jamais vu pour Critique de Crowd, fait que ça méritait quand même la mention pour une foule qui restait assise, qui était tranquille, mais qui était quand même participative, voit quelques calls entre le groupe et la foule. Fait que voilà. Fait que sur ce, ouais, des en ouin, il y en a eu une coupe du Rap Pop Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on va terminer avec la chanson de Chocolat en ouin sur son prochain album, Rencontrer Lolo. Et voilà la fin pour Critique de Crowd cette semaine. Ah! J'ai trop jasé, fait que je vais vous revenir la semaine prochaine ou sous peu pour la Critique de Crowd au KJB, qui a été vraiment mon coup de cœur au... Ben mon Dieu, j'allais faire plein de lapsus. Au Pop Montréal, vraiment une très, très belle place. Alors, je vous suggère déjà d'y aller. Ils ont un très beau café. Sur ce, je vais vous laisser en musique avec Barf! Alors, je suis le fou et je vous dis à la semaine prochaine pour toutes suggestions. Ouh! Vous comptez plein d'affaires, mais les internets Critique de Crowd et sur Facebook. Et je vous dis bye bye! J'ai pas voulu, c'est tellement fait que t'en attends pas de part.